La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Missisigny, au numéro de téléphone 88-276-93-83. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. L'entreprise Usinage Numérique HB du 210 rue Beauchamp à Dolbeau-Mistassini connaît une croissance phénoménale. Les propriétaires messieurs Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault viennent d'investir une somme de $600,000 qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Tels sont les vœux de la direction d'Usinage Numérique HB 418-239-08 2-7. On va parler avec Mathieu Tremblay. On a parlé avec Christian Ouellet, de l'enseignement des Marquis de Jonquière qui est de Saint-Bruno. Là, on va parler avec un autre joueur qui est natif de la région, qui a joué avec le multiconcessionnaire. Ça fait comment ça fait des lunes, ça? Puis également avec les Génois d'Allemagne, on parle de Mathieu Tremblay, également joué avec les Marquis de Jonquière. Salut Mathieu! Salut Danny. Mathieu, on a parlé avec Christian Ouellet, ça allait très très bien sa saison. Ça allait plus ou moins bien. Il a fait le saut un peu, hein, lui, quand il est arrivé en France. Puis ce qu'il disait, il dit, j'étais pas en forme, puis je me suis comme fait surprendre finalement. Puis là, il dit, plus ça va, plus je me trouve mon air d'aller. Tu sais, sans dire que Christian n'a pas pris ça au sérieux, c'est parce que quelque part, c'est là qu'on voit vraiment qu'il faut être en forme. Pour jouer là-bas, tu sais, c'est pas. On a tendance à comparer ça à la ligne nord-américaine, mais je pense que c'est un petit peu en haut. Hein? Ouais, ben, je suis d'accord avec ce que tu dis, Danny. Dans le fond, je n'avais parlé avec Christian aussi quand on a joué contre le 2 décembre en Anglette. On avait discuté de ça aussi, puis on avait parlé depuis le début de la saison là, par texto puis tout ça. Puis oui, c'est vrai que moi, j'ai pris ça au sérieux cet été. Je me suis entraîné 5 jours semaine avec de la glace une fois par semaine. Puis je suis arrivé prêt. Puis j'ai connu un excellent camp d'entraînement ici. Puis j'étais prêt à ça, à ce niveau-là. Puis c'est vrai que je m'attendais pas à ça non plus. Parce qu'à vrai dire, l'année dernière, j'étais en division 2. Donc je montais de division cette année. C'était une coche quand même là, de calibre de jeu. Puis, donc là, t'es dans la Ligue Magnus, c'est ça que t'es dans le média? Non, la division. Hein. Je suis dans la division. La Ligue Magnus, c'est la plus grosse ligue en France. Là. OK, donc ce serait la division 2, ça se trouve être comme la division 3. Hein. T'es à un sort de tout. Ouais, exactement. Donc, division... Ouais, exact. OK. Donc, là, vous avez monté parce que tu as changé d'équipe ou c'est parce que tu as été. L'équipe a monté de grade parce qu'il y a toujours le système de relocalisation, un peu comme au soccer. Là. Ouais, mais moi, j'ai été. Dans le fond, mon équipe l'année dernière, on a pas fait le. Grand chemin dans les playoffs. Donc, cette année, moi, mon objectif, c'était vraiment d'aller en division 1. Puis, avec mon agent, on a réussi à trouver une équipe, là, les Dogs de Cholet. Okay. Une équipe qui était intéressée à mes services. Puis, honnêtement, je suis vraiment bien ici. J'apprécie mon expérience au maximum depuis le début de la saison. Une belle équipe, on a un beau groupe de joueurs. Donc, je regrette vraiment pas mon choix. Par rapport à Christian, Christian m'a dit qu'il était à quoi? 3 heures de Paris? Non, moi, je suis à 3h30 de Paris. Christian, moi, je suis allé chez lui autrefois. Puis, c'est 6 heures de route de chez moi. Là. Tout dépendant par où tu passes, les autoroutes et tout ça, ça pourrait être quand même un petit 7-8 heures de Paris environ en Angleterre. Hey, c'est quand même pas mal. Là. Fait que, puis, ton équipe, donc, tu as fait un changement d'équipe. Puis j'imagine que le fait de passer de division aussi, de passer de division 2 à division 1, ça doit paraître sur le budget, ça doit paraître sur l'entretien du joueur, ça doit paraître sur le sérieux à quelque part. Là. Pas parce que l'autre n'est pas sérieux, il y a peut-être un manque de fond. C'est un peu comme la Ligue américaine, Ligue nationale. C'est un petit peu pareil. On peut-tu comparer ça de même? Ouais, exactement. C'est sûr que c'est pas aussi, élevé, là. Mais oui, ça se compare de division à division. Là. Il y a quand même là, une grosse différence au niveau là, des salaires des joueurs. Après ça, au niveau des équipes, là, le sérieux qu'il y a dans les équipes, les organisations, l'implication de plusieurs partenaires. Ici à Cholet, on a vraiment une belle organisation, le président, entraîneur, le conseil d'administration. C'est une équipe qu'on peut appeler une petite famille. Là. C'est une équipe qui prend vraiment soin de leurs joueurs. Okay. C'est ce qu'ils veulent en premier lieu, c'est que le joueur soit bien, soit à l'aise. Puis moi, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec moi quand je suis arrivé ici. Là. Ils m'ont permis d'avoir un bel appartement, puis d'être près de la patinoire. Ils m'ont trouvé un travail aussi là, avec leurs partenaires là, qui ont... dans le fond, moi, je travaille chez Volkswagen ici à Cholet. Okay. Je travaille 15 heures semaine, je suis magasinier, donc c'est pas une job qui est difficile, je travaille que le matin. Donc ça permet de faire encore plus d'argent aussi de ce côté-là. Ouais. Donc non, vraiment, je suis vraiment content d'être ici à Cholet. Parce que Christian, lui, il travaille pas. Fait qu'il ne se consacre qu'au hockey. C'est-tu parce que t'es moins payé ou Christian était capable de s'organiser pour un meilleur salaire? C'est quoi la différence? Je te pose la question de même. Bah oui, t'as touché le point. Dans le fond, oui, Christian, il est plus payé que moi à Anglette. Puis, okay. Ben, Anglette, c'est une équipe qui aspire de monter en Magnus. Ils ont vraiment une belle équipe cette année en Division 1. C'est une des puissances dans la Ligue là, avec Brest, si on peut dire. Puis, ben, ils sont vraiment encadrés là, comme un peu les équipes de Magnus. Ils s'entraînent le matin à 10h30 tous les jours. La majorité des joueurs ne travaillent pas. Puis sont vraiment là, vraiment bien encadrés. Puis comme je te dis, c'est un peu dans le même style que la Magnus au niveau professionnel. Tandis que nous, de notre côté, tous les joueurs travaillent à côté le matin. Puis nous, on s'entraîne l'après-midi à 13h45. Donc c'est vraiment différent là, la structuration des équipes. Les Québécois, y a-t-il d'autres Québécois avec toi dans l'équipe? Ouais, moi ben cette année, au début de l'année, il y avait Tommy Lapierre qui a joué MJ3 à Jonquière. Qui était un gars petit Sept-Îles qui jouait Junior 3 à Saint-Agathe. Okay. Puis après un mois d'activité ici, il décide de rentrer au pays. Il a eu le mal de mer un peu, comme on dit. Ah, c'est sûr. Puis il est parti au Québec. Je crois même plus qu'il joue au hockey. Je crois qu'il joue pour le fun dans les lignes de garage comme ça. Mais j'ai eu la chance de retrouver un Québécois là, depuis à peu près un mois et demi. Là. Il y a Frédéric Bergeron qui jouait à Strasbourg en Magnus. Lui, qui ses deux dernières années, était à Cholet. Puis, il avait signé à Magnus cette année à Strasbourg. Puis, finalement, il a décidé de revenir à Cholet. C'est une question d'avis de personnel. Là-bas, à Strasbourg, il n'y avait pas vraiment une équipe de haut niveau. Là, il n'y avait pas de victoire depuis le début de la saison. Fred avait un bon rendement individuel. C'était le premier marqueur de l'équipe. Mais pour son plaisir, puis pour sa confiance personnelle, il aimait mieux de revenir à Cholet. Puis, ben, depuis qu'il est arrivé... ça m'a aidé dans mon jeu là. J'ai pris confiance en moi, puis on joue ensemble, puis on s'entend super bien, puis ça se passe bien. Comment tu trouves ça? Parce que là, moi, je pense, c'est sûr que j'ai enregistré l'entrevue avant la période des fêtes, donc je vais la mettre en ligne autour du jour de l'an. Comment tu trouves ça de passer des fêtes en France et loin de ta famille? Ben, t'as-tu une copine d'abord? Est-ce que t'es ouais, ok, ben, c'est moins pire un peu là. C'est ce que j'allais dire, Danny. Ouais, moi, j'ai la chance d'avoir une copine ici, une copine française. Donc, je suis avec elle ici à Cholet depuis le début de la saison, depuis le mois d'août. Puis, ben, c'est ce qui va me permettre de passer des belles fêtes là, avec ma belle famille dans le coin du sud-ouest de la France, dans le Gers, chez ma belle famille avec ma copine. Donc, ça va me permettre de découvrir un peu ce coin-là du pays. Mais c'est sûr que comme l'année dernière, c'était l'effet inverse, j'étais tout seul, puis je pouvais pas revenir au pays non plus. C'est ma sœur qui est venue me trouver pour nous voyager. On est parti en Italie deux semaines. Donc, comme Christian, je parlais avec Christian le deux jours, il est parti au Maroc pour le temps des fêtes. T'sais, ça nous permet de voyager, de découvrir du pays. Donc, c'est la chance qu'on a d'être ici, ça coûte pas cher non plus, donc on en profite. Mais c'est sûr qu'être loin de sa famille, c'est pas facile. C'est quand même 8 mois parti là, sans vraiment avoir contact avec ta famille. Mais tu sais, à cette heure aujourd'hui, avec les technologies, facilité de parler à Skype, FaceTime et tout ça. Donc, c'est facile. C'est pas pareil, mais quand même, on fait ce qu'on aime, on apprécie, on est chanceux de faire ça. Surtout en Europe, c'est une chance qu'on a, puis on en profite au maximum. Effectivement. Mathieu, c'est pas long, on va faire une pause. Je veux te parler de l'idée que Richard Martel a eue, puis je veux voir ce que tu en penses. Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Mathieu Tremblay, anciennement du multiconcessionnaire et de Saint-Félicien d'Albaume-Sessny et des Journaux d'Alma, sur les ondes de danradiosport.com. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 88-276-80. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la 6e génération de chez Salaison Vesson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison Vesson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Le personnel et la direction de Dolboom Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolboom Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolboom Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolboom-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolboom-Mistassini au 418-276-58. On est de retour à danradiosport.com. On est en conversation avec Mathieu Tremblay. On le rejoint en France. Il joue en Division 1, un ancien des Marquis de Jonquière également. Mathieu, on a appris avant la période des fêtes que Richard Martel se lance en politique. Donc, tu es au courant de ce qui se passe au Québec quand même. Sauf que ce qu'on a appris, que Richard Martel, le commissaire de la Ligue, avait contacté des équipes de la Ligue Magnus pour venir. Ça n'a pas fonctionné, mais le projet, semble-t-il, c'était pas mort. Penses-tu qu'une équipe de la Ligue Magnus pourrait battre les Marquis? Pour avoir joué contre les Rapaces de Gap juste avant Noël, le 20 décembre, là, en Coupe de France, pour avoir joué aussi contre Rangers en Coupe de France aussi, une équipe qu'on a battue, nous, les Dogues de Cholet, 6-5, je te dirais que ça serait un très bon match contre les Marquis. C'est sûr que ça fait quand même 2 ans que j'ai pas vu jouer les Marquis, là, vu que je suis parti en France depuis 2 ans. Mais quand je regarde les bonnes équipes, là, en Magnus, on parle des Rapaces de Gap, comme j'ai dit, j'ai joué juste avant Noël contre eux. Les Dragons de Rouen, des très bonnes équipes avec des joueurs comme Dragons de Rouen, il y a Nicolas Deschamps qui a joué à Chicoutimi plusieurs années. Des excellents joueurs qui font partie de l'équipe de France, championnat du monde senior. Les Brûleurs de Loup de Grenoble aussi, c'est des excellentes équipes là, au niveau du championnat français de la Ligue Magnus. Donc oui, ça serait excessivement des bons matchs, mais tu sais, ça se compare pas au niveau du jeu français, puis au niveau du jeu nord-américain, surtout la Ligue nord-américaine, là, le jeu physique, les petites glaces. Ici, de ce côté-ci, c'est plus des joueurs qui sont rapides, des grandes glaces. Donc c'est totalement différent, mais c'est sûr que sur un match, c'est dur à dire, mais c'est sûr que ça serait un excellent match. Moi, je parle au niveau marketing là, de la Ligue. Tu as joué dans la Ligue nord-américaine. C'est une Ligue, quand même, au niveau marketing, qui aurait besoin de se faire parler des autres. Tu fais une tournée des équipes de la Ligue Magnus, une équipe ou deux contre toutes les équipes. Peux-tu te dire une affaire que, au niveau marketing, ça ferait parler à la Ligue nord-américaine pas à peu près? Ça, c'est sûr à 100% parce que... C'est sûr que ce serait un beau projet. Ce serait un beau projet organisé par Richard Martel, le commissaire de la Ligue. Puis, c'est sûr que la plupart des joueurs qui sont en Ligue nord-américaine, c'est des joueurs qui arrivent de l'Europe, un peu, comme on peut dire, qui arrivent des ligues françaises, des ligues un peu partout en Europe. Là. Donc, eux, ils connaissent ça, ils ont des contacts aussi un peu partout en Europe, donc ce serait peut-être une possibilité de créer un truc comme ça, tu fais une équipe des All-Stars, je sais pas. Ben oui, c'était genre, en réalité, je dis que c'était une tournée, là, mais le plan initial de Richard Martel, c'était d'avoir un match des étoiles de la Ligue nord-américaine contre une équipe Magnus. OK. Donc, ben oui, ça serait intéressant. Mais tu sais, moi, je pense, je sais pas si tu te rappelles, t'es peut-être un peu trop jeune, dans le temps, c'est sûr que t'as pas la guerre froide, mais quand l'Armée rouge venait dans le temps des fêtes, jouer des matchs contre le Canadien et les Nordiques, peux-tu te dire que c'était une curiosité? Je me dis, une équipe de la Ligue Magnus, tu parles de la meilleure équipe de la Ligue Magnus, c'est de faire une tournée des matchs contre les équipes de la Ligue nord-américaine, peux-tu te dire que ça ferait parler de la Ligue nord-américaine? C'est une idée géniale que Richard Martel a eue. Ouais, ce serait une excellente idée. Ça. Puis comme tu dis, ce serait un coup de marketing incroyable pour la Ligue nord-américaine, parce qu'on se le cachera pas que... Ouais. Ben, depuis 2-3 ans, on entend beaucoup moins parler de l'aspect physique de la Ligue nord-américaine, ouais. Mais on a encore toujours un petit peu à l'intérieur de notre tête là, les souvenirs qu'on a de cette ligue-là. Puis ben, c'est sûr que ça aiderait, comme tu dis, un bon coup de marketing là, pour la Ligue nord-américaine. Mathieu, tu te vois, on revient à toi, là, tu te vois combien de temps dans la Ligue nord-américaine? T'as-tu un plan de carrière, c'est quoi, pas dans la Ligue nord-américaine, mais en France, est-ce que tu veux être là 2, 3, 5, 10 ans? C'est sûr que là, il y a une blonde qui rentre dans le décor, c'est plus la même affaire. Là. Effectivement. Là, effectivement, c'est pareil, mais... Tu te vois quoi? Dans 5 ans, tu te vois-tu revenir dans la Ligue nord-américaine? Tu te vois-tu travailler ou tu veux t'avoir joué? Okay? C'est quoi tu te vois? Ou même la Suisse? Parce que la Suisse, c'est pas impossible, là. T'es à côté, puis je pense que ça paye encore mieux que les ligues françaises, là. Ouais, la Suisse, ben, c'est la plus grosse ligue en Europe, là. La Suisse, ouais. Là, c'est une des plus gros, ben, c'est la plus grosse ligue en Europe, là. Surtout la Ligue 1 en Suisse, là, t'as le droit à 3 importés par équipe, puis la plupart des importés, c'est des joueurs qui arrivent de la Ligue nationale, là. Mais pour revenir au début de ta question, effectivement, oui, c'est sûr que mon expérience en France, présentement, j'adore mon expérience. Quand je suis parti l'année dernière, ben, il y a 2 ans, j'y allais vraiment pas au jour le jour, mais tu sais, année après année. Puis, comme tu as dit un petit peu dans ta question, les plans ont changé, surtout le fait que j'ai trouvé une copine ici en France. Donc, c'est sûr que ça change la façon de voir les choses. Donc, présentement, j'adore ça ici. Je suis bien ici à Cholet avec ma copine. On aimerait ça revenir ici à Cholet l'année prochaine. Okay. Donc, pour les deux, c'est notre objectif. Puis, ben, après ça, ben, je sais pas, c'est dur à dire, mais pour l'instant, j'aime ce que je fais dans la vie. Gagner ma vie à jouer au hockey, c'est une des plus belles choses au monde. Donc, si je peux faire ça pendant plusieurs années encore, je vais le faire. Pas nécessairement en France. Il y a plusieurs places encore en Europe qui sont intéressantes. Et pour l'instant, j'aime ce que je fais en France, puis j'apprécie ça. Parce que Mathieu, je te connais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Quand je dis multiconsignaire, c'est vrai, là, ça commence à être des lunes. T'es étudiant de technique policière. Donc, ton cours est-tu terminé? Parce que, il te reste quoi pour être policier? Ça pourrait être une belle alternative en deuxième. C'est quoi? Ben ouais, moi j'étais aussi... J'étais au collège d'Alma, ouais, c'est ça. Mais non, j'ai pas fait de technique policière, j'étais en... Mais c'était pas technique policière que tu voulais faire? Je faisais pré-universitaire. Je pensais que c'était technique policière que t'étais là. J'ai fait un bac pour devenir enseignant en éducation physique à l'Université de Chicoutimi. Ouais. Ok. Mais ça, est-ce que c'est possibilité? Tu gardes ça comme deuxième carrière? Les possibilités sont toujours là. J'ai toujours... pas fini mon bac, j'ai pas obtenu mon diplôme encore, il me reste que 2 stages à passer avec un examen français. Mais les possibilités sont toujours là. Quand je reviens chez moi l'été, je refais mon examen de français. Donc l'année dernière, je l'ai refait. Puis malheureusement, ça s'est pas bien passé. Donc Allez, en terminant, Mathieu, dernière question. J'ai oublié de demander à Christian, la foule en France. Premièrement, vous jouez devant quoi? 13, 14, 1500 personnes à peu près au match. Ouais. C'est une foule connaissante, c'est une foule partisane, c'est quoi le quand tu fais une bonne mise en échec comme dans l'Amérique du Nord, est-ce que ça applaudit, ça applaudit-tu au but, c'est quoi? Ça dépend, je te dirais des endroits un peu. OK. des endroits que tu vas jouer. Ça dépend vraiment beaucoup de ça. Comme quand je suis allé jouer en Anglette, le 2 décembre contre Christian en Anglette, j'ai une petite patinoire de niveau nord-américaine, la surface de la glace. Puis c'est blindé de monde. Il y a une super de bonne ambiance. Comme tu dis, là, il y a des buts, il y a des mises en échec, ça crie, les spectateurs, les supporters sont là, on les entend. Puis comparativement chez nous à Cholet, c'est une glace qui est standard européenne, internationale. Mm. Puis tu as des estrades seulement d'un côté. Puis je pourrais dire que c'est plus des spectateurs qu'on a ici à Cholet, des gens qui viennent découvrir le sport. Il y a beaucoup de partenaires qui viennent au match, puis qui viennent découvrir le sport, voir un spectacle, comme on peut dire. Donc, il n'y a pas vraiment de cri quand il y a une mise en échec ou des affaires comme ça. Quand il y a un but, c'est normal que là, ça l'embarque, les gens y applaudissent, puis la musique aussi, mais je te dirais que c'est vraiment de place en place, c'est différent. Là. Mais c'est différent en France parce que tu vas avoir les gens qui vont venir voir le hockey, ça ne sera pas les mêmes gens qui vont aller voir le foot, qui vont aller voir le basket. Tu as vraiment des catégories de gens qui viennent au hockey pour venir au hockey parce que c'est leur sport. Ils ne vont pas voir le foot ou ils vont pas voir le basket. C'est comme ça. OK. Mais on le voit que le hockey en France progresse. Progresse tranquillement. Je pense que d'ici 10 à 15 ans, si on continue dans la même veine, qui sait, on pourrait peut-être être comme la Suisse. Qui aurait dit, il y a 15 ans, que la Suisse deviendrait, que la Suisse n'est pas tellement loin de la Finlande comme équipe de hockey, pas tellement loin de la Tchécoslovaquie. C'est aussi comparable à ça, là. Ouais, effectivement. Et ainsi de suite, là. Donc, je pense que. On avait parlé un peu cet été en entrevue, on l'a vu, là, au championnat du monde en France au mois de mai. Hein. La France a connu des très bonnes performances en battant. Ça l'a aidé, je pense. Perdant. Ouais, c'est ça. Donc, oui, la France, de plus en plus, là. Est de plus en plus présente au niveau international. Puis ce qui aide aussi les équipes de la France au niveau international, c'est que les équipes sont obligées de laisser partir le joueur pour les tournois internationaux pour permettre d'avoir un bon niveau. Là, c'est la mentalité du foot. C'est que ce qui n'est pas au hockey. Le football, c'est vraiment la mentalité. C'est ce que tu n'as pas au hockey. Hey, Mathieu, c'est fort intéressant. C'est très agréable. On va se reparler certainement une fois ou deux par année. C'est continuer à mettre notre placotage à date. Puis au plaisir de se parler. Puis on te suit en France. C'est bien gentil, merci Dan. Mathieu Tremblay, qui est l'ancien joueur du multiconcilien également des Marquis de Jonquière.